Alors, on va faire comme s'il faisait beau aujourd'hui, aussi beau qu'en début de semaine. Le printemps est à nos portes. La belle saison suivra sous peu. Les terrasses aussi, avec les amis, s'ouvrent et avec de belles soirées. Alors, quoi de mieux que de discuter alcool? L'alcool, c'est le sujet qu'on choisit notre duo chimico-nutritionniste, c'est-à-dire Normand Voyer, chimiste et professeur titulaire au département de chimie de l'Université Laval, et Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition en pratique privée. Bonjour à tous les deux. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Alors, le printemps, c'est l'ouverture des terrasses, mais c'est aussi la saison des amours. Alors, la première question, est-ce que l'alcool est à la source des coups de foudre du printemps? Ou autrement dit, est-ce que l'alcool, c'est un aphrodisiaque? Ben, en fait, c'est intéressant cette question-là, parce que beaucoup de gens s'intéressent à ça. Est-ce que l'alcool est aphrodisiaque? Et la réponse à ça, la réponse scientifique d'un chimiste, c'est oui. Ah. Effectivement, l'alcool, c'est un aphrodisiaque. Alors, il y a des études qui ont montré que... à petite dose, l'alcool, c'est un aphrodisiaque. Pourquoi on dit ça? C'est qu'à moins de 0,05 dans le taux d'alcool dans le sang, sous près de 0,05, ça stimule la production de testostérone chez l'homme et chez la femme. Des études qui ont été publiées dans Nature qui nous montrent ça. Et on sait que la testostérone, ben, c'est impliqué dans le désir sexuel. Alors, donc, on peut dire qu'à petite dose, là, petite dose, l'alcool, c'est un aphrodisiaque. Mais je mets en garde tout de suite les auditeurs. À forte dose, l'effet est contraire. Ça diminue énormément les performances sexuelles et, ou surtout, c'est un sédatif très puissant. Ah, donc, je vous laisse... Bonne raison pour modérer nos consommations, alors. C'est ça, exactement. Exactement. Mais est-ce qu'il y a des alcools qui sont plus aphrodisiaques que d'autres? Il y a beaucoup de choses qui circulent sur l'Internet comme ça, mais effectivement, il y a des alcools qui sont un petit peu plus aphrodisiaques, non pas parce qu'ils ont un ingrédient secret. Par exemple, vous savez, au Mexique, on parle beaucoup du mezcal avec un petit scorpion là, dans le... Non, ça, c'est pas vrai. Verre, là, ça, là, ouais. Ça. On parle beaucoup de la bière. Mais il y a un petit sujet très intéressant, c'est de vérifier quels sont les alcools qui nous permettent d'atteindre 0,05 sans trop dépasser. Ah. Et la bière et les spiritueux, vous savez, le whisky, comme on voit dans les téléromans américains, là, c'est faux. Puisque une petite dose de ça va nous faire dépasser, justement, le niveau requis pour ça. Alors, quel est le meilleur alcool? Je pose la question, d'après vous, quel est le meilleur alcool le plus aphrodisiaque? Bon, alors on a parlé de bière, c'est pas la bière. Je on a donné pas, c'est ça. Des pistes et des solutions. Mais il reste le vin, il reste. On y va avec les bulles. Non, on y va avec le Porto. Ah, le Porto. Le Porto est l'alcool qui a l'effet le plus aphrodisiaque. C'est vrai qu'on prend souvent du Porto en bonne compagnie, mais c'est surtout que le Porto, vous ne pouvez pas prendre trop de Porto. Mm. Donc, on prend souvent une petite quantité de Porto qui a la bonne dose d'alcool pour vous faire obtenir le 0,05. Alors, c'est ça, supposément. Et avec des fraises, il paraît que c'est très, très bon aussi. Ça améliore, ça amplifie l'effet. Alors, donc, vous, si vous choisissez quelque chose, vous recevez quelqu'un qui vous voulez vous mettre dans une bonne ambiance, bien, Porto et fraises pour terminer le bon Mine repas. Mine de rien, comme ça. Subjectif, mais n'allez pas raconter que c'est moi qui vous a donné le truc, comme ça. Et le champagne dans tout ça? Et ça, les gens, on pense souvent à toutes les fois, ben j'ai oui. Eu Karine qui a dit... Il y a quand même quelque chose de romantique quand même avec le champagne. Oui, malheureusement, la réponse est non. Le champagne, c'est impossible d'atteindre 0,5 puisque malheureusement, avec le champagne, la présence de bulles et de microbulles plus particulièrement fait passer l'alcool plus rapidement dans notre sang. Donc, dès que vous avez pris une coupe ou deux, vous dépassez le 0,5 et là, vous avez dépassé le seuil d'aphrodisiacité. Inventer un mot là, comme ça. Là. C'est ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Puis si on va, par exemple, en altitude, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller en avion. D'avoir le champagne dans l'avion, on n'est pas toujours en première classe. Oui, on aime ça. Non, mais il y a certaines compagnies qui en offrent sans être en première classe. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué l'effet. Avez-vous déjà, premièrement, bu du champagne en avion ou du mousseux ou non? En fait, l'effet est encore plus marqué quand on est en altitude et c'est ce qu'on appelle l'hypoxie d'altitude. Donc, en avion, la pression en altitude, la pression en oxygène, elle diminue. Et évidemment, dans l'avion, ben, l'intérieur de l'appareil est pressurisé pour maintenir une pression normale parce qu'on ne pourrait pas respirer. Mais la pression n'est pas la même qu'au sol. Donc, la conséquence, c'est que l'impression d'ivresse, elle est accentuée comparativement à si on était au sol. Donc, ce qui se passe, c'est que l'alcool pénètre plus vite dans le sang et encore plus vite avec les bulles. Donc, le dioxyde de carbone, le CO2, il va dilater les vaisseaux sanguins et l'alcool va être absorbé plus rapidement. Et il y a un autre phénomène aussi, les compagnies ne mettent pas la même concentration d'oxygène dans l'air de l'avion, ce qui fait que nos récepteurs des papilles gustatives ne sont pas saturés en sang. Et ça, ce que ça fait, c'est pour ça que le goût est altéré. Donc, il n'y a pas juste l'effet de l'alcool, il y a le goût qui va changer, puisque on n'a pas la même concentration d'oxygène. Ben là, parlons de bulles, en fait, de goût. Est-ce que les bulles ont un effet sur le goût du champagne, même, disons, à une altitude comme la nôtre? Oui, la réponse est oui, même au sol. Ouais, même au sol. Donc, les bulles, elles peuvent sembler banales. Je ne sais pas si vous appréciez regarder ça, c'est beau. Mais les bulles sont aussi responsables de plusieurs phénomènes chimiques qui vont avoir un effet sur le goût et sur l'arôme du champagne aussi. Donc, quand les bulles remontent à la surface, elles éclatent, puis elles libèrent des centaines de composés sapides, donc des composés qui ont une saveur et qui sont aussi aromatiques. Il y a certains de ces composés-là qui sont identifiés et d'autres non. Pas encore. Donc, c'est encore une fois le dioxyde de carbone, donc le CO2 qui est à l'origine des bulles. Puis, il y a beaucoup de bulles dans une bouteille. Hein. Dans une bouteille de 750 ml de champagne, on retrouve 7,5 g de dioxyde de carbone dissous. Donc, si on laissait s'échapper toutes les bulles en même temps, il y aurait 5 litres de gaz. Ah, ça c'est quand même pas mal. Et c'est intéressant, tu vois, qu'il y a beaucoup d'études et de recherches scientifiques sur les bulles de champagne. Vous savez que le champagne fait des bulles qui sont microscopiques. Ce qu'on ne fait pas si on introduit ça. C'est dû à la composition chimique qu'on retrouve dans le champagne. Et il y a une chose extraordinaire, si vous ne savez pas. Boire du champagne, ça n'a pas non seulement un intérêt comme ça, mais ça prévient la démence. Une étude scientifique a démontré que lorsqu'on on boit une à deux coupes de champagne... C'est ça, il y a quand même une histoire de dose. Évidemment. Laissez-moi terminer quand même. Ça a un effet. Des chercheurs britanniques, en fait, qui ont trouvé que une à deux coupes de champagne améliore votre mémoire et diminue les chances que vous avez d'avoir un jour de la démence. Alors, j'essaie de mettre ça en pratique. Ah oui? Bon, on verra ça dans quelques années, Normand. OK. Ben, en attendant, quand même, le champagne, c'est quand même pas notre boisson qu'on boit tous les jours. Sur les terrasses, on boit un peu plus de la bière. Oui. Donc, et là, la bière, ben, y a un petit goût, il y a une petite amertume. Oui. Donc, c'est ce qui fait qu'on aime bien la bière. Mais ça vient d'où, finalement, cette petite amertume? Ben, c'est plusieurs composants qui sont responsables de la saveur amère de la bière. Donc, il y a entre autres les composés organiques du houblon, donc des acides alpha et bêta. Donc, du côté des acides alpha, lors du brassage de la bière, ils sont dégradés en acides isoalpha. Et ces acides-là sont solubles et en grande partie responsables de l'amertume. Ça veut dire qu'on peut sélectionner différentes variétés de houblon pour moduler le type et l'intensité de la bière aussi. Du côté des acides bêta, ce sont des acides dont l'amertume est encore plus marquée que les acides alpha, mais ces acides-là sont insolubles. Donc, au final, leur contribution à l'amertume va se trouver moindre. Ce sont des acides aussi qui s'oxydent lentement pour produire la saveur amère. Donc, c'est un processus qui prend plus de temps. Mais ici, si on a une bière qui a longtemps fermenté ou une bière vieillie, elle risque de goûter plus amère. Donc, autrement dit, plus notre bière est vieille, plus elle risque de goûter amère. On a aussi dans la bière, parmi les autres composants là, qui vont... apporter de l'amertume, on a les huiles essentielles. Donc, on a plus de 250 huiles essentielles dans la bière. C'est quand même incroyable. Hein? Et ce sont des huiles qui proviennent du houblon, encore une fois, dont certaines sont très volatiles. Parfois, on va ajouter du houblon à une étape avancée du brassage, ou encore on peut laisser infuser du houblon dans la bière qui est déjà fermentée avec ces huiles-là. Donc, on peut par exemple retrouver des fragrances d'agrumes, de pain ou d'épices. Donc là, on a tout un cocktail finalement avec 250, puis j'imagine qu'elles sont présentes en petite quantité. Ben voilà, c'est ce cocktail qui donne les différents goûts finalement. Et finalement, on a un dernier composant, les esters, donc qui sont présents selon le type de bière. Donc, cette molécule-là est peu présente dans la bière blonde et très présente dans la bière brune. Donc, ici, les esters, en fait, sont formés par la réaction entre les acides organiques du houblon et l'alcool de la bière en présence de d'autres molécules. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des composés qui sont volatiles et odorants et avec un goût fruité. Donc, les esters peuvent rappeler l'odeur de l'ananas, de la pomme ou encore de l'anis. C'est pas mal quand, pour une nutritionniste quand même, son c'est intervention excellent. En chimie. J'adore hein? quand oui? quelqu'un parle de chimie oui, comme c'est ça, ça. Les molécules comme ça. Mais ça c'est va. Vrai que les huiles essentielles, c'est pour ça que ça varie énormément d'une bière à l'autre. C'est ce qui fait la beauté des bières, c'est toutes ces composantes chimiques-là qui diffèrent et qui font que chaque bière est unique. Oui. Oui. Et dans le cas de la Corona, quand on ajoute une lime sur le goulot, est-ce que c'est juste un effet de style ou est-ce que ça contribue au goût? Ça, c'est une excellente question. Vous savez, moi, je considère, en tout cas, dans mon cas, je considère que la Corona, là, c'est la bière emblématique de la terrasse, OK? Donc, tu dis vraiment, ou du patio, là, ou ouais. ça. Et c'est souvent servi avec, ben, c'est souvent, c'est le ouais. protocole officiel Mais de la Corona. C'est pour faire exotique. C'est pas exotique ouais. de mettre un quartier de lime. Ben, je vous tout de suite, je vous dis, ce n'est pas du style, c'est essentiel. Ah. Parce que lorsque vous ouvrez une Corona, comme ça, vous allez avoir une odeur de moufette. Alors, l'odeur, on appelle ça skunk stent, OK, qu'on entend comme ça souvent dans les bières, particulièrement celles qui ont une bouteille qui est transparente. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait des composés de dégradation. On a parlé tantôt du houblon. Mm-hmm. Et là, il y a deux substances naturelles dans le houblon. L'humulone et l'isohumulone. Les acides, vous l'avez dit tantôt, ma chère collègue nutritionniste. Ah, les acides alpha et isoalpha. Voilà, exactement. Ouais, voilà. Avec la lumière va catalyser la décomposition de l'humulone et de l'isohumulone dans différents produits qui vont être dans la famille des composés sulfurés qui ont une odeur, vous savez, d'œufs pourris mm-hmm. et de moufette comme ça, parce qu'on retrouve le même composé dans l'odeur, dans l'huile de moufette. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre immédiatement une lime. C'est une pratique qu'on fait pour éviter justement de sentir ça. Qu'est-ce qui se passe? La lime a une forte acidité. Et cette acidité-là est nécessaire pour oxyder avec l'oxygène de l'air les sulfures qui sont odorants en composés inodorants. Et c'est ça qui va neutraliser l'odeur de moufette qu'on retrouve sur la Corona. Alors, maintenant, si vous posez la question, pourquoi les bouteilles de bière sont presque toutes ici de couleur brune? C'est pour éviter la dégradation des rayons UV qui vont avoir ça. Et c'est pour ça que la Corona est très célèbre pour ça. Alors, on n'a jamais changé la bouteille. On a tenté d'avoir de la Corona avec des bouteilles brunes et les consommateurs ont arrêté de boire de la Corona. Mm-hmm. C'est vraiment comme dans l'esprit du consommateur d'avoir une bouteille transparente. Et pour ça, bon, on a juste à mettre une petite lime. Ouais, ben en tout cas, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir une telle leçon de chimie en parlant de bière. C'est quand même assez inusité. Ben maintenant, je vous propose qu'on parle du vin. Puis là, moi, j'ai une autre question. Là, c'est parce qu'on dit peut contenir des sulfites sur le vin. Fait que finalement, pourquoi on retrouve des sulfites? C'est quoi les sulfites? Et pourquoi est-ce qu'on en retrouve dans le vin, dans le cidre? Et est-ce que c'est vrai que ça donne mal à la tête? Ah, bon, alors, les sulfites, c'est un additif de conservation. Hein. On voit sur l'étiquette souvent là, du vin, on va lire « contient des sulfites ». Donc, c'est pas nouveau hein, comme additif parce que ça remonte possiblement au temps des Romains d'ajouter des sulfites dans le vin. Mais notre perception des sulfites, elle est plutôt négative. Hein. On dirait qu'on n'aime pas voir ça. Et moi, je me souviens d'un professeur de sommellerie qui avait dit à un moment donné « J'espère qu'il y a des sulfites dans le vin. » Alors, qu'est-ce que ça fait? Il y a deux rôles importants. Donc, il y a un rôle antioxydant. Donc, les sulfites vont ralentir la vitesse des réactions d'oxydation. Donc, dans le vin spécifiquement, ça va empêcher l'oxydation de certains composés organiques. Donc, on va préserver la belle couleur et l'arôme du vin. Et l'autre rôle important, c'est un rôle antimicrobien. Donc, les sulfites vont limiter le développement de moisissures et de bactéries toxiques dans le vin et les autres boissons alcoolisées. Mais les sulfites, hein, on les retrouve pas seulement dans le vin puis les boissons alcoolisées, on en retrouve aussi de façon assez importante dans les fruits séchés, dans la viande aussi, ça peut être ajouté. Donc, du côté des maux de tête, ben non, les sulfites ne sont pas reconnus pour donner mal à la tête. C'est une légende urbaine. Voilà, alors, ça. Donc ce qui est reconnu, en fait, ce qui est observé, c'est chez les personnes asthmatiques. On voit que 3 à 10 % des personnes asthmatiques pourraient développer des réactions allergiques, là, asthmatiques à la consommation de sulfites. Donc, ça peut aller des symptômes modérés jusqu'à la crise d'asthme. Donc, à ce moment-là, si on croit qu'il y a des symptômes avec les sulfites, là, on va recommander d'éviter les produits là, qui sont riches en sulfites à ce moment-là. Donc, c'est pas, ça ne nous cause pas spécialement mal à la tête. Non. Et est-ce que c'est ça qui cause l'amertume ou la sensation de bouche sèche dans le vin qu'on a parfois? Pas du tout, pas du tout. Là, ça c'est loin de ça, sûrement pas. En fait, on sait tous que le vin contient des tanins. Et les tanins, la composition des tanins qu'on va retrouver dans notre vin va créer l'amertume et va créer là, l'astringent. Vous savez, lorsqu'on retrouve l'espèce de langue sèche qui gratte rugueux comme ça. Oui. Et ça, ça veut dire qu'on a une présence de tanins très importante. Vous savez, des tanins, ce sont une famille de composés. Il y en a des centaines et des centaines qui sont connus. Et la composition de ces tanins-là va faire que vous allez avoir un vin, soit qui va être un vin qui va être astringent ou qui va assécher la bouche et qui va avoir même de l'amertume. Alors, le principal, c'est l'acide tannique. L'acide tannique, lui, vraiment, il donne un goût d'astringent sur la langue. C'est ça. Mais c'est bon parce que, vous savez, ce sont tous des polyphénols qui ont des propriétés biologiques antioxydantes, c'est fun comme ça. Alors, donc, ils sont tous bons. Mais vous savez que souvent, on va avoir de l'amertume. Tantôt, on était content avec la bière. Mm-hmm. La bière, c'est bon, on aime l'amertume. Mais dans le vin, l'amertume, c'est pas toujours quelque chose qu'on apprécie. Et en fait, l'amertume du vin, ça provient aussi de tanins, mais des tanins différents. Ceux qu'on va retrouver dans les pépins du raisin. Mm-hmm. Et dépendamment si vous faites une bonne... vous savez, les vendanges, lorsqu'on fait ça, c'est très, très, très artisanal et très important. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver des tanins qui proviennent des pépins. Et à ce moment-là, vous allez avoir de l'amertume qui va se développer dans votre vin. C'est quelque chose qu'on essaie d'éviter, entre autres. Mais il n'y a pas que... il n'y a pas que les tanins, vous savez, qui peut donner un mauvais goût au vin. Hein? Non. Non. Alors, quoi d'autre? Ah, bien, il y a une molécule très intéressante qui s'appelle la géosmine. Et ça, c'est quoi? La géosmine, c'est la substance naturelle. Parce que géo, c'est comme terre. Voilà, c'est ça qui donne un goût de terre humide au vin. Mais pas seulement au vin, hein. Ça peut vraiment être un problème là pour différentes industries, incluant par exemple l'épiciculture. Pourquoi? Parce que la géosmine est une substance qui est produite par des micro-organismes, des bactéries du type actinomycètes. Et ils vont produire cette substance-là et il y a la problématique, c'est que le seuil de perception est extrêmement bas. Écoutez ça. On peut détecter, un humain peut détecter avec son nez l'équivalent de une cuillère à thé dans 200 piscines olympiques. Ah oui. Donc, la minute, la minute que vous avez quelques traces de cette substance-là, ça va donner un goût et une odeur de terre mouillée désagréable. Et c'est ça qui fait... Ça peut teinter la chair des poissons en pisciculture. Ah. Mais dans l'industrie viticole, c'est extrêmement important parce que ça peut complètement ruiner des vendanges. Si vous avez une concentration trop élevée d'actinomycètes, ce que ça va faire, ça va générer beaucoup, beaucoup de la géosmine. Quand on dit beaucoup, ça prend des traces. Mais à ce moment-là, ça donne un goût terreux, terre humide, et va faire qu'on ne pourra pas mélanger cette cuve-là. Ouais. Les artisans ne mélangeront pas cette cuve-là. Donc, vous pouvez avoir des pertes. Donc, vous voyez que la chimie permet d'expliquer pourquoi le vin, c'est si complexe et pourquoi on est toujours épaté à toutes les fois qu'on prend une bouteille de vin. Mais on n'est pas obligé de se poser toutes ces questions quand on déguste le vin, et non plus quand on déguste les cocktails, quoique il y a quand même de la chimie avec ça aussi. Mais bien sûr, parce que, vous savez, la mixologie, là, c'est très à la mode, et puis on va en parler de ça. Mais vous savez que les mixologues, je vais prendre le terme approprié, ou les spécialistes des cocktails comme ça, ben, ils utilisent les principes fondamentaux de la chimie, de la physique et même... On ne peut pas mélanger n'importe quoi avec n'importe quoi. Exactement. Ouais. Comme par exemple, ils ont vite compris que les sirops qui sont riches en sucre ont une densité plus élevée que l'eau ou que les alcools forts. Et c'est comme ça qu'on peut faire différents cocktails en couches en utilisant ce principe-là. Et il y a différentes façons de faire. Même par exemple, on va faire des colloïdes. La science des colloïdes est très utilisée. Un colloïde, c'est quand on mélange deux substances immiscibles et qu'on va trouver le moyen de faire des micro-bulles qui vont faire quelque chose d'homogène. Par exemple, le colloïde, si je prends la mayonnaise est le meilleur cas. Mais il y a certains cocktails, vous savez, le pina colada que vous avez vu, qui on va mélanger de l'huile de coco, etc., qui va faire des micro-bulles, des micro-particules d'huile qui vont donner un goût riche à tous ces cocktails-là. Et ça, c'est souvent utilisé par les mixologues. Puis des fois, on met de la couleur aussi dans les cocktails, et notamment, des fois, avec du tonic, ça brille quand c'est exposé à la lumière. lumière ultraviolette. Oui, mais traînez-vous toujours une lumière ultraviolette avec. Mais oui. Lorsque mais vous des fois, dans les bars, ça arrive. On ne sait jamais quel type de cocktail vous allez avoir. Mais finalement, quoi. Comment ça marche? Mais en fait, oui, c'est pourquoi le tonic brille? Ben, c'est en raison de la quinine. Hein. C'est un composé chimique qu'on retrouve dans le tonic. Donc, comment ça fonctionne? Les molécules de quinine peuvent absorber les ondes ultraviolettes. Donc, l'absorption de ces ondes-là, elle excite les électrons de la molécule de quinine à des niveaux d'énergie plus élevés que ceux qu'ils occupent d'habitude. Donc, les électrons restent pas longtemps à ces niveaux élevés, ils reviennent à leur niveau initial, mais à ce moment-là, il y a comme un surplus d'énergie qui est libéré, puis ça se fait sous forme de rayonnement lumineux, et ce rayonnement-là correspond à la lumière bleue là, qu'on peut voir. On sait que c'est en raison de la quinine, car il n'y a pas de fluorescence avec une boisson sans quinine. Mais la quinine n'est pas non plus la seule molécule fluorescente. Donc, il existe aussi, vous avez peut-être vu des belles images de méduses bien brillantes. Ouais. Donc, ce n'est pas nécessairement des photos retouchées. Donc, il y a une variété de méduses qui produit aussi une lumière bleue, donc qui sont fluorescentes. Ouais. Pour le plaisir de nos yeux. Oui. Et par contre, pas tout à fait pour le plaisir de notre organisme. Des fois, il arrive qu'on mange trop et on a la gueule de bois. Et si vous me demandez si ça existe, la gueule de bois, moi, je ne sais pas parce que ça ne m'est jamais arrivé. Mais plusieurs de mes amis m'ont dit que ça existe vraiment, car l'éthanol... Est-ce qu'on doit le croire, Karine? Moi, j'ai des doutes. Franchement, l'éthanol a des propriétés inflammatoires. Puis, il y a des symptômes à la gueule de bois aussi hein, qui sont listé. En fait, on a la fatigue, les maux de tête, une plus grande sensibilité à la lumière, la soif, des nausées. On peut avoir aussi des douleurs musculaires, des tremblements, des vomissements et même des diarrhées. Rien d'agréable, finalement. Non, rien du tout. Et est-ce que les mélanges d'alcool peuvent aggraver tous ces symptômes de la gueule de bois? Les mélanges, en fait, si on a la gueule de bois, c'est parce qu'on a possiblement abusé la veille. Hein, et probablement qu'on a bu différents alcools, donc peut-être du gin tonic, de la bière, du vin rouge. Le gin tonic revient souvent. Oui! Hein, donc, c'est un signe. ce qui se produit dans notre organisme quand on boit de l'alcool, donc le processus est toujours le même, peu importe l'alcool, parce que l'alcool contient toujours la même substance chimique qui est l'éthanol. Donc, il y a jusqu'à 8% de l'éthanol qui est éliminé par notre respiration, par la sueur et l'urine, ce qui explique l'odeur douteuse d'une personne qui a beaucoup bu. Mm-hmm. Et le reste de l'éthanol, donc environ le 92% si on veut être précis, il est dégradé par le foie. Et notre foie le transforme en acétaldéhyde, une molécule qui est responsable de la gueule de bois. Et là, notre foie peut traiter des petites quantités d'acétaldéhyde à l'aide d'une autre molécule qui s'appelle le glutathion. Mais là, le problème, c'est que la quantité disponible pour dégrader l'acétaldéhyde, elle est limitée. Ah. Et que là, si on consomme beaucoup d'alcool, bien, on va épuiser la réserve de glutathion. Uh-huh. Puis là, bien, on doit attendre qu'il soit encore synthétisé pour pouvoir continuer à décomposer l'acétaldéhyde. Donc, ce qui se passe avec la gueule de bois, là, si on continue à boire, l'acétaldéhyde s'accumule. Et bien, c'est une molécule qui devient toxique hein, et qui est responsable des symptômes de la gueule de bois. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas affirmer que les mélanges aggravent la gueule de bois. C'est plutôt la quantité d'alcool qu'on boit qui serait responsable de la gueule de bois. Et le mélange de différentes boissons, ça ne semble pas affecter là, l'intensité non plus là, de la gueule de bois. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a certains boissons alcooliques qui ont la réputation de causer des désagréments en raison de leur de plus de gueule de bois. Si vous prenez sur l'index de gueule de bois, on en a qui sont plus importants. Alors, ce sont les alcools qui contiennent des sous-produits qu'on appelle les congénères. Oh. Les congénères, ce sont des produits naturels qu'on va retrouver, soit du méthanol, soit de l'isopropanol, de la fermentation ou du vieillissement. Par exemple, le whisky, le vin et la tequila qui est faite à partir d'un cactus, évidemment, contiennent plus de congénères que le gin et le vodka. Donc, ça serait des alcools qui causent plus de gueule de bois que les autres. Mm-hmm. Leur index de gueule de bois est plus élevé. Mm-hmm. Et tout, par principe, tout ce qui est vieilli en baril, en fût de chêne, va contenir beaucoup plus de congénères qui proviennent de la dégradation de la lignine. C'est pour ça que dans le whisky, on a des arômes de bois, on a des arômes de vanille et même de fumée. Et tout ça, ça va faire que ça a un effet, ça empire l'effet de gueule de bois de ces alcools-là. Donc, plus c'est foncé, en général, plus ça va causer le gueule de bois. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand malencontreusement ça nous arrive? Est-ce qu'il y a des remèdes efficaces contre la gueule de bois? En fait, ça, c'est une question qu'on me pose souvent comme chimiste. Est-ce que c'est vrai là, que manger une bonne grosse poutine en fin de soirée, ça améliore, ça nous empêche, je me lève puis j'ai pas de problème? Ou bien, vous avez sûrement déjà entendu, le lendemain, je prends une bière, jus de tomate, puis ça règle mon problème. Non, ça. Ou bien, je prends 3 cafés noirs et puis ça règle mon problème. Ah ben en fait, pour la poutine, là, oubliez ça. Le gras, ça va juste taxer votre foie et comme disait Karine, il est déjà fatigué. Surtout pas plus d'alcool le lendemain, là, ça c'est vraiment, ne faites pas ça. Et le café, ça peut réveiller, mais ça va juste, c'est un diurétique, hein, donc les symptômes de la gueule de bois vont être amplifiés, et, alors donc touchez pas à ça. Mais il y a des moyens efficaces pour amoindrir les effets de la gueule de bois. Et je vais vous en suggérer quelques-uns. Mm-hmm. Le premier, deux comprimés d'ibuprofène. Ça va aider parce que ça va contrer l'effet inflammatoire. Ouais. On sait que l'ibuprofène, c'est un léger anti-inflammatoire. Uh-huh. En plus, ça va vous enlever le mal de tête et ça va peut-être vous aider à reprendre du poil de la bête. Il faut boire beaucoup de liquide. Particulièrement, je vous suggère les boissons. Vous savez, les boissons sportives, là, les boissons qui contiennent des sels minéraux, contiennent des sucres. Pourquoi? Parce que vous allez vous réhydrater et vous avez besoin de ces sels minéraux-là. Donc, ça va aider. Donc, les boissons sportives, là, c'est comme ça qu'on appelle ça. Là. Moi, je suis pas là dans le milieu. Mais je suggère 2 œufs bacon. Ça, c'est vraiment un bon. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les œufs sont très riches en protéines qui contiennent beaucoup de cystéine. La cystéine est l'acide aminé qui permet la production de glutathion, notre agent détoxifiant. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va stimuler sa production. Donc, 2 œufs bacon et en plus, si vous mangez du bacon, c'est beaucoup de sels minéraux et vous allez boire de l'eau, vous allez vous réhydrater. Mais pourtant, le bacon, c'est gras. Ben oui. Oui, c'est pas amusé. Les œufs, en fait, le bacon, c'est faire passer les œufs, là, comme ça. Parce que ça va ensemble. Ça va ensemble comme ça, là. Ça va, okay. Fait qu'il y a quelques petits trucs comme ça, mais il n'y a pas rien de magique. La gueule de bois, ça se traite avec, ça amoindrit les symptômes, mais il n'y a pas de recette magique. Mais il y a un moyen infaillible pour contrer la gueule de bois. Ah oui, vous le connaissez pas? Non, boire avec modération. Donc, si on a la gueule de bois, ben, c'est parce qu'on a exagéré notre consommation d'alcool, c'est tout. C'est bon ça. Alors, donc, on va souvenir, le meilleur truc, c'est de boire avec modération. Et si vous exagérez, n'oubliez pas les Advil et les œufs bacon. Ben, en tout cas, peut-être aussi qu'il faut attendre, apprendre à respecter les signes précurseurs de l'ébriété et s'arrêter de boire à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ben, merci à vous deux. Donc, je rappelle que nous étions en compagnie de Norme Envoyer, chimiste et professeur titulaire au département de chimie de l'Université Laval, et Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition en pratique privée. Merci à tous les deux. On vous souhaite une belle saison des terrasses. Le soleil va arriver, enfin. Ouais. Et maintenant qu'on a pris notre verre d'alcool, ben on va lever la tête et se faire tourner la tête encore plus en regardant les étoiles. Et s'il y a des nuages, ben on regardera la carte 3D du projet Gaïa. Et c'est Yvan Dutille qui va nous dire de quoi il s'agit.